Sommaire, page 2. Sommaire, printemps 2017. Édito, page 3. Ma ville en image, page 4. Artisans et commerçants, page 5. Budget, page 8. Actualité, 50 ans du jumelage, page 10. Dossier, carte nationale d'identité, redécoupage électoral, ce qui change en 2017, page 11. Une ville fleurie, page 15. Libre expression, page 16. Travaux en ville, page 17. Espace Saint-Fiacre, page 20. Histoire 2, page 22. Agenda, page 23. Les beaux dimanches du kiosque, 15e édition, page 24. Le magazine de la ville. Semestriel d'information de la ville de Château-Gontier-Bazouges. 23 Place de la République, 53200 Château-Gontier-Bazouges. Téléphone 02 43 09 55 55. Directeur de la publication Philippe Henry. Conception et mise en page, agence 23e homme. Rédacteur en chef Jean-Marie Mulon. Rédaction Ville de Château-Gontier-Bazouges. Photo, ville de Château-Gontier-Bazouges, CNVVF, impression, imprimerie Faguier, papier recyclé. Enregistrement audio par les donneurs de voix bénévoles de la bibliothèque sonore de Segré. Illustration de cette page. De nombreux déchets ont été déposés en vrac dans une rue du centre-ville près d'un bac gris. Un marquage au sol représentant un cycliste prévient les automobilistes de l'utilisation possible de la voie en contresens par les vélos.